Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, pourtant tout nous sépare. On a passé des hauts, des bas, mais toujours dans l'espoir. On ne sait pas de quoi il fait, demain nous en sommes là. Une chose est sûre, c'est que je te vois toujours près de moi. Le plaisir qui nous réunit est rempli de passion. Un point indescriptible, on veut voir l'horizon. Je ne sais pas pourquoi le destin s'est mis entre nous. Une chose est sûre, c'est que l'amour est vraiment fait pour nous. Tout ça déjà passé, tout ça gravé en tête en nous. On peut pas oublier, on peut jamais oublier. On qui toujours aimé. Oh la la la, dès du temps là nous connaître nous. On déjà sauf ça dérivé, faut nous préserver l'amour. Qui fait pour nous ces directions à guerre en nous.